Radio. Osmose. La web radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Non, ici c'est Avignon, mais c'est pas grave, hein, vous pouvez rester, plus on est de fous, plus on est de fous, plus on est de fous, moins il y a de gens raisonnables. Et donc vous êtes, soyez les bienvenus chers amis, dans l'heure du loup sur Osmose Radio, votre playlist hebdomadaire rock et new wave, avec un Stéphane un petit peu à fleur de peau ce soir, par rapport aux événements qu'on a vécu ce week-end. Et donc pour annoncer la couleur d'entrée de jeu, bah, c'était comme on a tous un petit peu le noir désir, le noir dessin de se changer les idées hein, ces temps-ci. Et bien c'était pour commencer donc Noirdez avec ce titre, Ici Paris, qui hurlait au milieu, ou au début plutôt des années 90. Voilà chers amis, donc comme à l'habitude, comme à l'accoutumée, une playlist rock et new wave sélectionnée par mes bons soins. Je suis heureux de vous retrouver ce soir particulièrement pour parler et s'épancher un petit peu à propos de tout ce qu'on a vécu récemment. Et donc eh bien, puisqu'on était à Paris, on va y rester, on va aller dans les années 80 avec un autre groupe de rock agité, la Mano Negra, avec le titre Ronde de Nuit. comme moi, vous êtes un couillon intello, pour vous, la ronde de nuit, ça évoquait un tableau de Rembrandt. Et ben, ça évoque aussi un morceau assez péchu de ce groupe, la Mano Negra, qui chantait ça dans les années 80, à l'époque où Chirac, maire de Paris à l'époque, voulait que tout le monde aille au lit sans bruit, sans déranger ses électeurs. Hein. Et quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, c'est d'autres emmerdeurs qui veulent qu'on aille au lit sans bruit et relativement tôt. Hein. Ce sont les djihadistes qui se sont amusés à faire le why à Paris ce week-end. Donc dans la nuit de vendredi à samedi, on a tous été un petit peu secoués, j'ai l'impression, et à divers titres et à divers degrés. Et donc voilà, je vais avoir l'occasion de revenir un petit peu là-dessus pendant l'émission, comme je vous l'avais laissé entendre sur internet et notamment sur Facebook, sur le Facebook d'Osmose Radio. Voilà les amis, mais bon, comme à mon habitude, je vais pas en faire dans la tchatch, dans les propos de comptoir déplacés, ni dans les analyses pertinentes ou non. Pour ça, je vous renvoie aux journalistes ou à vos contacts Facebook, vous avez forcément un gros lourd dedans. Et moi, je vais contenter de faire ça en musique comme à l'accoutumée, et donc voilà, avec deux morceaux rock'n'roll pour lancer les choses et aborder le thème ce soir. On va continuer, hein, puisque récemment on a appris un petit peu à nos dépens que y avait des gens qui n'aimaient pas le rock parmi les musulmans, mais bon, faut croire que ces couillons de djihadistes sont un petit peu les seuls, en tout cas en France, hein, parce que c'est parmi la population d'origine maghrébine en France, je doute que tous haïssent le rock, sinon Rachid Taha n'aurait jamais repris ce titre de Clash, des Clash qu'on va écouter tout de suite, la version originale Rock the Casbah. The shit. Pilots, Le Banane, avec le titre, ce titre de The Human League. C'était enchaîné juste avant avec un titre de The Clash, Rock the Casbah, un titre qui avait été repris par Rachida il y a une douzaine d'années dans une version tout aussi rock'n'roll mais un petit peu plus orientalisante. Et The Human League, donc, c'était ce groupe synth-pop du début des années 80 basé à Londres, il me semble, et à l'époque, en 1984, où il amorçait un virage plutôt New Wave. Et 1984, hein, c'était aussi l'année où c'était un petit peu la pagaille dans un autre pays, parce que The Lebanon, hein, c'est pas Lebanon dans le Luberon, non, c'est The Lebanon, le Liban du côté de Beyrouth, où en 1984 déjà c'était un beau bordel avec la guerre civile. 84, c'était un petit peu après les massacres de Sabra et Shatila, tout ça, enfin bref, je vous fais pas un dessin. Et pourquoi je vous parle du Liban? Parce qu'on n'est pas les seuls à avoir eu très peur ces derniers temps. Du côté du Liban aussi, et dans le quartier chiite de Beyrouth notamment, il y a eu un bel attentat qui a fait encore plus de morts, je crois, qu'à Paris. Et donc, voilà, et on n'est pas les seuls à avoir souffert. Je dis pas ça pour relativiser de façon un petit peu déplacée, mais il faut bien reconnaître tout de même que ces crétins de djihadistes tirent dans le tas et vont même jusqu'à massacrer leurs propres co-religionnaires, même si eux, ils voient pas forcément les choses comme ça, puisque, je le répète, c'était dans le quartier chiite de Beyrouth, sachant que ces braves gens de lui se réclament du sunnisme. Enfin bref, le Liban, donc, déjà dans les années 80, c'était le bordel, et je crois que tout autour de la Méditerranée, hein, les gens sont assez choqués. Je pense notamment à la population maghrébine de France, qui, elle, se trouve un petit peu, passez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, parce qu'autant en janvier, avec le massacre de Charlie Hebdo, il y a beaucoup de gens, des intellectuels ou des bas du front, quelle que soit leur origine sociale, ou en tout cas pas mal de ce qu'on appelle un peu vulgairement les Français musulmans, se retrancher dans le fait, ah bah oui, mais ils ont touché à la religion, alors les mecs de Charlie, c'est bien fait pour eux. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de confusion, et franchement, ces jours-ci, j'aimerais pas être à la place d'un Français d'origine maghrébine, parce que ça doit être assez difficile comme position, déjà parce qu'il y a des tas de crétins racistes qui vont commencer à vous courir après, et ça c'est pas bon, et en plus parce que moralement c'est difficile à tenir, quoi. Est-ce que sans plus citoyen français, est-ce que sans, voilà, c'est dans la mesure où les djihadistes ont attaqué des lieux de la vie courante, ce coup-ci des trucs où n'importe qui aurait pu se trouver, notamment un stade de foot entouré de casques de flics, et bien justement tout le monde se sent d'autant plus concerné, et ça porte à réfléchir, et pour tout le monde. Et voilà, donc ces temps-ci, on n'a pas assez de recul vraiment pour analyser la situation, mais vraiment, s'il y a des auditeurs d'origine maghrébine parmi vous, sachez bien que mes pensées vont vers vous, même si je ne peux pas faire grand-chose en l'occurrence. Sinon, aborder la situation, parler de ce que c'est au Liban, où ils ont beaucoup souffert, et où les Palestiniens ont eu un très beau geste. J'ai vu ça sur Internet, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Des Palestiniens à Bethléem. Donc je suppose que ce sont des Arabes de la minorité chrétienne d'Israël, mais bon, bref, ça je m'en fous, je veux pas le savoir. À Bethléem, près de l'église de la Nativité, il y a des Palestiniens qui se sont rassemblés, ils étaient pas nombreux, hein, mais c'est le geste qui compte. Ils se sont rassemblés avec des drapeaux français et des drapeaux libanais pour faire quelques minutes de silence. Et j'ai vraiment trouvé que c'était une belle initiative, parce qu'ils auraient pu se retrancher derrière un réflexe un peu tiers-mondiste, anachronique, et dire voilà, les Français c'est bien fait pour leur gueule, au Liban on a beaucoup plus l'habitude de la violence. Eh bien non, ils sont pas tombés dans ce panneau-là, et c'est vraiment tout à leur honneur. Et d'autant plus que s'il y a des gens sur Terre qui savent tout ce que cette violence aveugle peut avoir d'indicible, et dans tout ce que ça peut impliquer au quotidien, à mon avis, c'est bien les Palestiniens. Donc, enfin, les gens d'Israël en règle générale, hein, je vais pas polémiquer là-dessus. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un très beau geste. Partout autour de la Méditerranée, il y a de belles initiatives. Il y a peut-être aussi des propos discutables, mais pour le moment, il n'en est pas temps de les divulguer. Et donc, tout autour de la Méditerranée, disais-je, même à Marseille. Tout près de chez nous, à Marseille, il y a eu un truc, ça relevait de la science-fiction. Même les auteurs de science-fiction n'ont jamais osé imaginer ça. Les supporters de l'OM ont montré leur solidarité avec les Parisiens, quoi. Le truc tout à fait improbable, dans une rue de Marseille, ils ont mis une banderole, je sais plus ce qu'ils ont marqué dessus, mais bon, bref, ils ont fait montre de leur solidarité avec les amateurs de foot du côté de Paris. Franchement, c'était tout à fait improbable, comme quoi ça arrive, on vit vraiment dans un monde de merde, mais où il y a parfois de belles initiatives, et donc c'est avec un groupe marseillais qu'on va continuer. Un groupe avec un morceau dont le titre résume un petit peu notre état d'esprit à tous concernant ces attentats et leurs auteurs. Un titre que je vous invite tous, chers amis, à écouter le doigt en l'air. Fuck you! Bah non, vous êtes sur Osmose Radio, ça c'est plutôt une bonne nouvelle les amis, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, vous êtes bien dans l'heure du loup sur Osmose Radio, on est encore ensemble pour une bonne demi-heure de rock et de new wave, et à l'instant c'était les Eagles of the Death Metal avec le titre I Want You So Hard. Oh, je me sens tellement dur quand j'ai envie de toi. Vous êtes bien sur Osmose Radio, la radio, on est tout dur de partout quand on écoute de la musique. Abel, n'est-ce pas? Abel, c'est mon technicien préféré qui me fait la régie technique. Et c'était enchaîné ce morceau avec les Raquel Tracks et le titre Fuck You, hein, qui résume un petit peu notre état d'esprit ces temps-ci. Raquel Tracks, un groupe de glam de Marseille qui assure comme une bête et donc dont on avait écouté un morceau tout à l'heure, Eagles of the Death Metal. Donc c'est un groupe qui est devenu tristement célèbre depuis vendredi soir, puisque c'est celui qui était en concert au Bataclan. Alors Eagles of the Death Metal, comme son nom ne l'indique pas, c'est pas du tout du death metal, comme vous avez pu vous en apercevoir. C'est pas non plus un hommage au groupe The Eagles dans les années 70, hein. The Eagles, Hotel California, les garçons qui ont ploté des filles dans les booms en dansant un slow, ça vous dit quelque chose forcément. Et donc voilà, c'est en fait ce groupe Eagles of the Death Metal, c'est un side project du batteur, je crois, du batteur de Queens of the Stone Age, un groupe que je vous avais déjà passé il y a quelque temps, et un groupe de rock de stoner comme on dit parfois, c'est-à-dire de rock très influencé par les années 70 avec un côté un peu rock sudiste quoi, comme Creedence Clearwater Revival ou Lynyrd Skynyrd tout ça. Donc Queens of the Stone Age, un des membres du groupe, a fait un projet alternatif, Eagles of the Death Metal, qui était donc en concert à Paris vendredi et que les djihadistes ont attaqué. Ils ont plus attaqué parce que c'était la salle Le Bataclan que parce que c'était ce groupe-là, ceci étant. D'après ce que j'ai compris, mais ces temps-ci, vous savez comme moi qu'il faut vérifier toutes les informations pour pas faire traîner des rumeurs, Le Bataclan organisait des soirées au profit de l'armée israélienne. Alors, ils en sont tout à fait libres, évidemment, même si moi, je trouve pas ça terrible. Quoi qu'il en soit, les djihadistes se sont attaqués le mauvais soir et se sont attaqués aux mauvaises personnes pour foutre la bagaille, quoi, parce que c'était pas vraiment le moment. Bref, quoi qu'il en soit, ils ont aussi attaqué un resto cambodgien. Franchement, les Cambodgiens, ils ont subi un génocide dans les années 70, vous pouvez pas leur foutre la paix. Ils ont aussi attaqué un match de foot entre la France et l'Allemagne. Alors, après trois guerres, dont deux mondiales, pour une fois que les Français et les Allemands arrivent à s'entendre, vous pouvez pas les laisser jouer à la baballe, non.

et sympathie pour tous ces co-religionnaires, mais c'était pas vraiment l'objet du groupe Eagles of the Death Metal. Tôt vient de parler des Manoukians. Vous imaginez Pierrot la Lune qui jouerait de la musique et vous le foutez à la radio, ben c'est un peu ça, ce type-là, Dédé Manoukian sur France Inter, qui venait donc d'avoir ces quelques mots que j'ai trouvé assez jolis et assez synthétiques de la situation. Même s'il ne détient pas la vérité, j'ai trouvé son point de vue intéressant. Voilà, j'avais envie de vous le rapporter ce soir, et il s'en sort bien mieux que je n'aurais su le faire. Alors, samedi soir, dans la nuit de, dans la journée de samedi, on savait pas trop comment ça allait se passer, si tout allait être bloqué. Bon, finalement, il y a qu'à Paris que ça a été ville morte pendant tout le week-end. Samedi matin, le préfet de Vaucluse, comme tous les préfets de France et de Navarre, je suppose, a fait une réunion de sécurité avec délégués de la zone militaire, tout ça, etc. Et puis bon, ils ont finalement maintenu qu'il n'y avait pas péril dans la demeure, et les concerts, les manifestations ont pu avoir lieu tout au moins le samedi soir, même s'il y en a quelques-unes qui vont être annulées prochainement. Je pense au Beaujolais nouveau, enfin au vin primeur notamment. Qui seront un petit peu restreints, qui se passeront pas place de l'horloge. Bref, on va être obligé de rester sobre. Ça c'est ennuyeux, quoi qu'il en soit. Les concerts ont bien eu lieu samedi, notamment celui dont je vous avais parlé la semaine dernière, à savoir les Auril McCoy et Abrama, qui jouaient dans un endroit assez rock'n'roll, le Black Block Place. On dit que les routiers sont sympas, mais moi je peux vous confirmer que les motards le sont aussi, dans ce bar qui organise de temps à autre des concerts rock. C'est un petit peu excentré, c'est à côté de Saint-Chamond, donc on peut faire du bruit. Et il y avait donc ce bon concert, The Real McCoy, que je vous avais passé la semaine dernière, et un groupe parisien que je ne connaissais pas, un groupe parisien qui était descendu pour l'occasion justement. Ils sont rock'n'roll jusqu'au bout et ils en veulent apparemment. C'était Abrama, un groupe pareil, un groupe de heavy rock un petit peu psychédélique que j'ai découvert à l'occasion donc, et que je vous propose d'écouter tout de suite, Abrama avec le titre Square of the Circle. Yeah. voix puissante de Peter Steele avec ce titre de Type O Negative, Drunk in Paris, The Dream is Dead, la voix puissante de Peter Steele, plus forte que les trompettes de Jericho. C'était enchaîné juste avant avec justement un groupe qui avait le nom d'un prophète, Abrama, avec le titre Square the Circle. Si vous cherchez la quadrature du cercle en mathématiques, laissez tomber. Abrama, eux, l'ont déjà trouvé en musique. Type O Negative, ce groupe de métal américain dont Peter Steele, malheureusement, est mort, le chanteur est mort en 2010. Et donc sur l'album, qui sonne ironiquement d'ailleurs, l'album Life is Killing Me, à la fin de l'album, il y avait donc ce morceau, The Dream is Dead. Mais non, le rêve n'est pas encore mort. Paris sera toujours Paris, même avec un ou deux bâtiments en moins. Allez, Drunk in Paris, donc The Dream is Dead, c'était deux morceaux enchaînés à la fin de cet album, Life is Killing Me, qui était sorti au début des années 2000. Alors chers amis, donc j'ai un petit peu attendu la fin de l'émission, il nous reste un petit quart d'heure, pour vous donner mes états d'âme, parce que j'avais pas envie de vous embêter avec ça. C'est quand même une émission musicale et vous avez grandement besoin, comme moi d'ailleurs, de vous changer les idées. Pour autant, je peux pas y couper. Je vous avais dit, ce soir, comme beaucoup d'entre vous, je suis un petit peu à fleur de peau. Alors c'est vrai que j'ai pas tenu ma promesse. J'avais dit sur internet que ce soir je viendrais avec un hamster et que je le sacrifierais en direct, quitte à mettre du sang partout dans le studio pour invoquer les esprits du vaudou et qui bottent le cul aux humains, qui ramènent la paix sur terre à coups de pieds et aux fesses, ou bien encore invoquer les grands dieux anciens d'avant l'humanité pour qu'ils massacrent tous les humains et puis ainsi ramener la paix sur terre. C'est logique. Et puis bon, finalement, chez moi, c'est mal fréquenté, j'ai que des souris, j'ai pas de rats, et j'ai même pas été foutu d'en attraper une pour ce soir, donc je suis venu les mains dans les poches, et finalement, je vais pas faire une messe noire pour les victimes des attentats, tout ça, non, je vais simplement vous donner mon état d'esprit samedi, qui était sans doute assez proche du vôtre, et en vous lisant un texte que j'ai écrit moi-même samedi matin, parce que j'ai appris les attentats dans la nuit, et après ça, vous imaginez bien que j'ai pas pu dormir. Voilà, donc je vous lis ce texte que j'ai écrit, puis libre à vous de réagir, de téléphoner à Osmose Radio pour m'engueuler ou quoi, si le cœur vous en dit. Bonjour, nous sommes le samedi 14 novembre et vous écoutez France Inter, il est 5h30 et nos programmes sont un peu chamboulés. Moi aussi chérie, je suis chamboulé. J'ai appris les événements d'hier soir à Paris cette nuit vers 2h, en me connectant à Facebook. J'avais passé la soirée à mater des vidéos sur YouTube, à faire de la défragmentation sur mon disque dur et à émuler un vieux jeu sous Windows XP, parce que ouais, je suis un sale geek. Tout ça par flemme de repasser une chemise et de sortir, ce qui est idiot, tant le réchauffement climatique nous tue à petit feu avec de douces soirées d'automne pleines de moustiques, tigres, vérolés et d'effluves de diesel cancérigènes. Contrairement, de là en conclure que dans le contexte actuel, ce sont les glandus casaniers qui survivent, contrairement aux bons vivants qui sortent, il n'y a qu'un pas que je ne serais pas fier de franchir. Donc je tape mon password et aussitôt je vois que Trucmuche et machin sont en sécurité. Bah oui, crétin, à Paris vous êtes hors de portée des miasmes de la compostisation de mon régime protéiné. Ah zut, c'est pas ça, il y a eu un attentat. Des attentats, avec un S, sans pudeur et au pluriel. Au fur et à mesure que je lisais des articles sur le sujet, donc Le Monde, Slate, La Tribune de Genève, CNN, et puis aussi pour me détendre un article de Vice.com sur un livreur de pizza qui dealait quand il livrait des pizzas à ses clients, c'était hors sujet mais c'était marrant, alors plus j'en apprenais, disais-je, et plus je tremblais de rage impuissante, de consternation, et de haine aussi. Ne changera-ce donc jamais, oh là là, oh là là. Voilà, c'était un peu dans ce genre-là. J'ai même quelques larmes qui ont perlé au coin des yeux. Ouais, comme vous les humains. Décidément, j'ai trop la honte. Je déteste ce sentiment de rage impuissante. Et je le ressens d'autant plus que, comme je n'ai pas dormi, je n'ai point cette formidable gaule à l'heure des vêpres qui fait presque quotidiennement mon bonheur matutinal. Des bad vibes, de rechef, combo de bad vibes. Bref, je n'ai pas pu dormir après ça. Mais j'ai eu le loisir de repenser à la journée du vendredi 13 novembre 2015, ma journée. Le matin, l'écoute d'un bon vieux morceau punk à la radio me fait penser à la bande originale du très bon film d'Olivia Sayas sur Carlos, le terroriste. Carlos et le terrorisme marxiste et pro-arabe des années 70-80. La rote armée fractionne, Abou Nidal, Georges Ibrahim Abdallah et l'attentat de la rue Marbeuf, tout ça. C'était prémonitoire ? Va savoir. À midi, je repense à ma décision de ne pas soutenir un éventuel front républicain aux élections régionales début décembre. Et je vous assure que ça me travaille assez pour me couper l'appétit. Je repense à un rêve que j'avais fait il y a quelques mois où je m'abstenais de voter lors d'un second tour PS-FN. Parce que ouais, des fois, moi je rêve que je vote. C'est lamentable, mais c'est comme ça. Aux infos, j'apprends que c'est la journée de la gentillesse. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Puis j'apprends que c'est vendredi 13. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Oui, le vendredi, je suis de mauvaise humeur, comme les autres jours de la semaine. En début d'après-midi, je vois des voitures qui klaxonnent rue de la Rep. Alors je suppose que ce sont les médecins qui manifestent. En France, les employés au bout du rouleau arrachent la chemise de leur PDG, les CRS épuisés se mettent en arrêt maladie à défaut de pouvoir faire grève, et les toubibs font les cacous pour se faire entendre. Bienvenue au pays de Voltaire. Un peu plus tard, j'apprends que Manuel Valls, qui ne manque décidément pas d'humour, dit aimer les fonctionnaires. Les socialistes vont avoir besoin de suffrages, quelque chose me dit. Bref, une fois rentré chez moi, je me branche sur Internet et la quadrature du net me rappelle dans un article que mon député européen a voté récemment des textes de loi qui vont organiser la restriction des libertés publiques, notamment celles liées à l'Internet. Cependant, qu'à ce moment, au même moment, à la radio, j'entends Elie Semoun qui raconte son prochain spectacle où il se moque gentiment des apprentis djihadistes qui vont en Syrie comme on va au Club Med. J'avoue, j'ai ri. Je pouvais pas savoir sur le coup que ça allait devenir un rire amer quelques heures plus tard. À la supérette, je laisse passer à la caisse un rebeu qui n'a qu'un truc à acheter, alors que moi j'en ai plusieurs à payer en pièces jaunes. Il a du mal à me dire merci ce connard, mais c'est vrai que je suis un sale blanc. Il m'arrive parfois d'oublier ma condition. Par association d'idées, bonnes ou mauvaises, je repense à un bougnoul barbu en djellaba avec son calot ridicule sur la tête là que j'avais aidé un jour à la gare de Lyon à trouver son train. Le pauvre garçon, il était complètement perdu, il parlait un français à la mort, moi le doigt, alors du coup je l'avais pris par la main et je l'avais emmené à son train. Et manifestement, il connaissait trois mots de français, c'était « merci, c'est gentil, merci beaucoup ». Il me les a répétés à peu près 10 000 fois. Bon, voilà, lui au moins il était poli, à défaut de savoir parler français. Bref, tout ça, faut qu'on avance un petit peu comme dans la file de la supérette. Et ce soir, donc, en faisant un petit peu l'inventaire des concerts à venir, et des bals tango aussi, parce que j'aime bien danser le tango, des concerts dont je vais vous parler dans l'heure du loup, patati patata, eh bien je me souviens que The Fields of the Nephilim joue à Paris mi-décembre et que peut-être que ça vaudrait le coup d'y aller. À voir, patati patata, voilà ma journée insignifiante. Et autant vous dire que maintenant, tous ces non-événements qui résonnent bizarrement dans ma tête... Ces salopards de djihadistes s'en sont pris à ceux qui aiment le foot, à ceux qui aiment la musique et à ceux qui aiment bien manger. Autant dire l'ensemble du peuple de France. Je ne suis pas enquêteur, mais quelque chose me dit que ces troubles faits cherchaient l'incident. Oui, la perspicacité, c'est ma grande passion, en plus de la radio. Et à double titre, ils cherchaient l'incident puisqu'une échéance électorale approche, même si elle est relativement peu importante. J'en viens à être parano pour être très franc. Est-ce que tout cela est le résultat d'un calcul politique cynique avec le gouvernement qui laisserait faire des ennemis intérieurs afin de justifier une reprise en main musclée et la légitimation de son autorité? Genre comme ça se passe dans V pour Vendetta de Alan Moore? Quelle va être l'influence de tout cela sur les scrutins? Les électeurs vont-ils avoir le réflexe poussin, comme disent les psychologues, et confirmer les partis de gouvernement? Ou au contraire vont-ils se tourner vers les couillons d'extrême droite et en réaction aux événements? Tout à l'heure, pour en savoir plus, j'écouterai les émissions matinales, j'achèterai les journaux, peut-être même que j'essaierai de trouver quelqu'un qui a une télévision. En tout cas, pour le moment, j'ai vraiment pas le cœur à commencer la journée avec les grands slurps que j'aime à faire dans mon café et qui me mettent en joie quotidiennement. Voilà, c'est vous dire ma morosité. Là, j'en pouvais plus de gamberger. J'en peux plus de gamberger, je vais aller marcher un peu, il caille mais il faut que je sorte, et après tout il n'y a pas encore de couvre-feu. Avec un peu de chance, les djihadistes n'auront pas tué les travelots qui sont autour des remparts, et j'en croiserai un. C'est l'heure où la barbe repousse, ils font des prix. Post-scriptum, pour une journée de la gentillesse, ça se termine un peu en autre bout d'un même pas halal. Par contre, pour un vendredi 13, c'était plutôt réussi. Je me demande quelle idée originale vont trouver les imbéciles qui s'affichaient en janvier. Hashtag je ne suis pas Charlie, hashtag je suis Gaza, Maudiez, je ne suis pas content. Tous ces braves gens qui vont faire leurs intéressants là sur le dos des victimes. Décidément, il faudra prévoir de la notamine avant de lire les commentaires houleux des publications des réseaux sociaux. Voilà, j'avais écrit ce texte à chaud samedi matin et je sais ce que vous pensez. Il y a des mots qui me choquent. Et ouais, il y a des mots qui vous choquent, mais je les ai écrits à dessein, parce qu'ils précisent ma propre ambiguïté sur un tel sujet. Parce que moi aussi, je ne vaux ni mieux ni moins bien que quiconque, et il s'en faudrait de peu, vraiment de peu, en ce moment, pour que je devienne un gros con raciste. Mais je vais pas tomber dans le panneau, je vais faire tout ce que je peux pour. Et comme tout le monde, je suis une potentielle graine de facho, et au vu des événements récents, effectivement, je m'excuse d'utiliser une image éculée, mais bon, après tout, Star Wars est d'actualité avec la sortie cinéma le mois prochain. C'est à moi de faire attention de ne pas tomber du côté obscur, bien entendu. Et de toute manière, si j'aime m'amuser à faire de la propagande à l'antenne d'Osmose Radio, Dominique Jacquot, notre présidente, me virait à coups de pompe dans le derche, elle aurait bien raison. Voilà. Donc effectivement, il y a des mots qui vous choquent, ils ont été utilisés à dessein, et croyez bien que j'y réfléchis à deux fois. Et en même temps, je sais aussi la question qui vous brûle la lèvre, les gars. Et dis donc Stéphane, finalement t'as croisé les travelots, t'es allé au pute samedi matin ? Eh ben non, il y avait plus personne. Ils ont fini leur service et du coup, bah, je suis rentré chez moi avec ma bite sous le bras et j'en ai profité pour faire comme tout le monde et d'aller draguer à un concert, à un pub le samedi soir, comme tout le monde. Et finalement, c'était aussi bien comme ça. Voilà les amis. Donc ben samedi, hein, j'étais vraiment la tête dans le cul et vraiment patraque et le cœur assez gros. C'était vraiment du sang et des larmes. Et ben justement, du sang et des larmes, c'est un peu le thème du morceau qu'on va écouter tout de suite avec la belle voix de Glenn Danzig, Blood and Tears. Blood and tears, blood and tears. Since you've been gone, I hear you been crying, blood and tears. All alone in your misery, so alone. Could you have been deceived? Since I've been gone, I hear you been crying. Blood and tears. Danzig, Blood and Tears, c'était sur l'album Lucifuge, sorti en 1990. La voix de Glenn Danzig, en fait, pour l'anecdote, c'était une reprise de Roy Orbison, à la fin des années 50, début des années 60. Voilà, chers amis, on arrive à la fin de notre émission. J'espère que vous aurez apprécié cette playlist dans un contexte très particulier ce soir. Évidemment, la page de Facebook de l'heure du loup vous est ouverte, si vous voulez réagir, si vous voulez m'insulter ou si vous avez peut-être quelque chose de plus constructif à faire. En tout cas, lâchez-vous. Et quoi qu'il en soit, comme notre habitude, on va se quitter avec quelque chose d'un petit peu différent, parce que la liberté nous appelle, sachant vaincre ou sachant mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Non, mourir peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, on va continuer à être comme on l'a toujours été, je crois, c'est-à-dire essayer d'être libre, à défaut de l'être tout à fait, effectivement, essayer d'être libre et continuer à sortir, continuer à baiser, continuer à dire des conneries à la radio et à écouter de la bonne musique, etc., etc. Après, bon, c'est plus une moyen de économique qu'une moyen de liberté quand on a envie de sortir, mais de toute manière, on va certainement pas s'en priver à cause de quelques djihadistes bandes mous qui ont des petits problèmes avec leur zizi et qui du coup se croient obligés de nous tirer dans les pattes, des mecs complètement bourrés qui crient Allah Akbar PMU. Franchement, ça va vous impressionner ça, on va se laisser emmerder par un mec café du commerce pour acheter sa Kalachnikov. Ouais, je sais, ils sont moisis, c'est calembour, mais il fallait absolument que je les fasse. Allez, chers amis, voilà, donc on va pas se laisser emmerder par ces braves gens, on va continuer à faire comme notre habitude. Et on va pas laisser des chants patriotiques comme le chant du départ que je citais à l'instant au Poufias d'extrême droite ou d'ailleurs on va pas se laisser embêter non plus par autre que ces djihadistes par des Marine Le Pen, par des Najet Vallaud-Belkacem, par les Poufias de tous bords, parce que toutes nos compatriotes ne sont pas des Poufias. On a tous des mères, des grands-mères, des frangines, des amis eux et des ex peut-être, allez savoir, dont on est fier d'être les compatriotes. Et donc les femmes françaises, on montre régulièrement ce qu'elles ont dans le ventre, à défaut d'en avoir dans les burnes. Et donc, écoutez, c'est avec une femme française, et pas des moindres, que j'avais envie de nous quitter ce soir, puisque quand vous-même vous rejoindrez votre chère et tendre ce soir sous la couette, peut-être qu'elle vous dira « déshabillez-moi ». Non, pas tout de suite. Non, pas trop vite. Etc, etc. Enfin bref, j'en dis pas plus, cela ne nous regarde pas. Je vous souhaite une bonne soirée, les amis, avec du FEFC ou pas. Et puis, quoi qu'il en soit, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ah oui, une info, à la mi-septembre, on fera une émission en public et en direct dans l'heure du loup. Donc si le cœur vous en dit, je vous en donnerai plus d'infos un peu plus tard, mais déjà bloquez la date dans votre agenda. Voilà, Abel, mon cher technicien préféré, merci de m'avoir supporté pendant une heure. Tu vas pouvoir lancer le morceau qui s'appelle donc Déshabillez-moi. Mais qu'est-ce que tu fais, Abel? Enlève ta main de ma cuisse, s'il te plaît. Non, non, Abel. Bon, allez, à la semaine prochaine, les amis. Salut. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes, trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi avec délicatesse, en souplesse et doigté. Choisissez bien vos mots,